Le maréchal Kim Jong-un a envoyé le 12 courant une couronne mortuaire devant le cercueil du scientifique du peuple, académicien, professeur et docteur Kim Jae-un, lauréat du prix Kim Jong-il et chercheur de l'université Kim Il-sung, en signe de ses profondes condoléances.